Chapitre 3e. Après cet entretien, Dulcie et Morton furent fiancés. Elle, frêle blonde, aux doux yeux, lui, bigot brun, au regard un peu farouche. L'un et l'autre prenaient au sérieux l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Morton n'était point de ces jeunes gens frivoles qui mènent une vie dissipée. Au contraire, il avait l'âme élevée et de nobles aspirations. Le bruit de son futur mariage fournit bientôt un thème à toutes les conversations. En apprenant cette nouvelle, Madame Aspinall, née native d'Hawthorpe, s'écria « Voilà qui est étrange. Autant qu'il m'en souvient, le père de Morton Blake était l'un des admirateurs les plus passionnés de Miss Alice Bothney. Et ce furent seulement ses parents à elle qui ne voulurent entendre parler de lui à aucun prix. « Pauvre Lady Courtney, » dit en soupirant une amie de Madame Aspinall, « puisque vous l'avez connu, vous pouvez nous dire s'il était réellement aussi belle qu'on le prétend ?» Sa beauté était merveilleuse, extraordinaire, unique. C'est à croire qu'on ne verra jamais de comparable. Aujourd'hui, la photographie ne nous offre que des types de poupées plus ou moins banales. De mon temps, les jeunes filles dédaignaient d'avoir recours aux artifices de la couturière, du cordonnier, du coiffeur. Elles ne portaient ni traîne, ni talons, ni faux-chignons, ni couleurs voyantes, mais simplement du bleu ciel, du rose pâle et surtout de la mousseline blanche. Au bal, une fleur placée dans les cheveux était toute la parure qu'elle se permettait. L'excès en tout est un défaut, répliqua sèchement Madame Bibe, qui depuis 8 jours se mettait l'esprit à la torture pour copier de souvenir un vêtement de chez Worth. Blake, reprit Madame Aspinall, était amoureux fou de la belle Alice. Il était veuf, père de 3 enfants, et de plus il appartenait au commerce. George Bothney devait naturellement rêver pour sa fille un mari dans une autre position sociale. L'aimait-elle? Coquette et ambitieuse, elle accueillit les hommages de Blake, quitte à se moquer de lui plus tard, comme de bien d'autres. N'hésitant pas plus à briser des cœurs que vous à casser des œufs pour faire une omelette. Sir Bothney, fort orgueilleux de son nom et de sa race, n'eut pas pardonné à sa fille de se commettre avec le fils d'un industriel, qui avait fait sa fortune à Blackford à la force du poignet. En mourant, il était largement millionnaire. L'aîné de ses fils eut la plus grosse part de l'héritage paternel, celle du cadet, Sir Walter Blake, consistait en 10 000 livres sterling placées en consolidé et en une propriété territoriale d'une valeur de 30 000 livres au bas mot. Il épousa la fille d'un ministre protestant. 3 ans après, sa femme mourait, lui laissant 3 enfants. Sir Walter Blake, universellement respecté, partageait son temps entre des expériences agronomiques et sa jeune famille, lorsqu'un jour, en revenant de la chasse, il fut lâchement assassiné sur le chemin d'Hawthorpe. Son fils, Morton Blake, n'avait alors que 10 ans. Cette catastrophe était arrivée le jour même de la naissance de Dulcie, en sorte que le 20 octobre était également un jour de deuil pour les Blake et pour les Courtney. Nos jeunes fiancés n'en semblaient pas moins heureux de leur sort ce soir-là. Tous deux, assis près d'un bon feu, écoutaient le vent du nord qui faisait rage au dehors. « Quelle nuit froide !» s'écria Dulcie. « Il faut que je songe au costume d'hiver. » Les enfants en auront besoin avant Noël, si le temps persiste à être aussi rigoureux. Dulcie ne se contentait pas de confectionner des vêtements aux enfants. Elle aimait aussi à leur faire assidûment la classe. Sa charité s'étendait non seulement aux vieillards, aux malades, mais aux morts même, car jamais cercueil, si modeste qu'il fût, n'était porté au cimetière sans être orné d'un bouquet cueilli par la jeune châtelaine de Fairview. Dulcie, que deviendrait-on ici sans vous ? Lui demandait souvent Morton. Mon père seul s'apercevrait de mon absence. Pour vous, Morton, ce serait l'affaire d'un jour, répondait-elle en souriant. D'un jour qui durerait toute ma vie. Dulcie, rapprochant son tabouret de Morton, ils causèrent à voix basse, tandis que Sir Everard, plongé dans ses réflexions, tenait les yeux attachés sur le foyer. Dulcie avait la tête appuyée sur le bras de son fiancé, dont l'expression mâle et sérieuse contrastait avec la physionomie angélique de celle qui le contemplait avec amour. Sir Everard, assis de l'autre côté de la cheminée, paraissait plus mélancolique que de coutume. Sa main patricienne soutenait son front, une main blanche, effilée, mais ferme et nerveuse, qui annonçait une grande vigueur. La date que portaient les journaux épars sur le guéridon près de lui ravivait ses souvenirs et ses regrets. Tout en causant avec son fiancé, Dulcie ne perdait pas de vue son père, et sachant que la musique avait le don de changer le cours de ses idées, elle se leva et se dirigea vers le piano. Elle passa d'un nocturne de Chopin à un autre. Son jeu suave et expressif rendait merveilleusement les pensées du maître, trésor de grâce et d'élégance. L'obscurité commençait à envahir la pièce lorsque la porte s'ouvrit tout à coup. Un laquais venait prévenir Sir Everard qu'un homme désirait lui parler en particulier pour lui faire une déclaration. Sir Everard, ami de l'ordre et de la justice, esclave de ses devoirs, se leva immédiatement pour aller remplir son rôle de magistrat. « Quel genre d'homme est-ce » demanda-t-il le laquais. « Il a l'air d'un vagabond. Que souhaite-t-il ? Un secours d'argent, sans doute ? Il devrait aller au bureau de l'assistance. » « C'est ce que je lui ai dit, mais il m'a répondu qu'il voulait se faire arrêter. »« Se faire arrêter ?»« Oui, Sir Everard, et pour un meurtre commis il y a 20 ans. » Morton Blake se redressa blême comme un cadavre. Le fils d'un homme assassiné 20 ans auparavant ne pouvait entendre ces mots de sang-froid. « Il y a 20 ans » répéta-t-il en tremblant d'émotion. « Ce misérable ne serait-il pas l'assassin de mon père ? J'entends le savoir de cet homme. « Calmez-vous, mon cher ami, » reprit Sir Everard. « Il s'agit sans doute de quelque ivrogne, ou de quelque braconnier, qui, après avoir noyé sa raison au fond de son verre, a soif de faire parler de lui en se livrant à la justice pour un forfait qu'il n'a pas commis. Une nuit de cachot lui portera conseil. Et demain, vous verrez qu'il n'aura rien de plus pressé que de se rétracter. « Et la date ?» se récria Morton. « La date ! Il y a 20 ans, à pareil jour. » « C'est une simple coïncidence, » riposta Sir Everard. « Et j'ai la conviction que ce vagabond ignore jusqu'au nom de votre père. Je ne le tiendrai pas longtemps. » « La lampe de mon bureau est-elle allumée ?»« Oui, Sir Everard, et un grand feu flambe dans la cheminée. »« N'oubliez pas que nous vous attendons, » dit Dulcie à son père. « Oui, ma chérie, je vous promets de revenir dès que je pourrai. » « Congédiez votre visiteur de façon qu'il nous reste au moins un quart d'heure pour causer avant que la cloche sonne. Soyez indulgent, père. » Ah, les coupables eussent eu beau jeu si Miss Dulcie eût été appelée à rendre des jugements. Sir Everard la baisa au front et partit, mais sans prendre aucun engagement. Elle poussa alors un long soupir, en songeant aux tristesses de la vie. Morton, debout devant la cheminée, regardait le sol d'un air tragique en fronçant les sourcils. Dulcie posa doucement la main sur l'épaule de son fiancé, mais il ne parut pas y faire attention. « Cher Morton, qu'avez-vous » dit-elle. « Je suis profondément émotionnée au souvenir de la mort de mon père, et surtout à pareil jour, à cette heure fatale, où il fut assassiné en revenant de la chasse. » Jusqu'ici, son meurtrier a échappé aux recherches de la justice, mais moi, je n'ai qu'une idée, venger mon père. Ah, si je savais que celui qui vient d'entrer dans le bureau de Sir Everard est le coupable, rien ne pourrait m'empêcher d'aller l'appréhender au corps, s'écria-t-il, en bondissant comme un tigre prêt à fondre sur sa proie. Pourquoi n'entendrai-je pas sa déposition ? Il n'y faut pas songer, mon cher Morton, et pour 100 raisons. D'abord, parce que vous êtes dans un état de surexcitation peu chrétienne. « Comment, peu chrétienne ? N'a-t-il pas permis à un chrétien de haïr d'exécrer l'assassin de son père ? Vous ne sauriez conserver votre sang-froid, et vous pourriez vous laisser aller à quelque emportement que vous regretteriez plus tard. Vous avez entendu ce qu'a dit mon père. Fiez-vous, croyez-moi, à sa longue expérience et à son implacable, inexorable justice. « Oui, inexorable, » répéta-t-elle, « car mon intercession même est sans effet quand sa conscience lui ordonne de punir. » Morton se promenait de long en large d'un pas précipité, insistant d'une voix tremblante de colère et d'inquiétude pour aller entendre la déposition du vagabond. Jamais Dulcie n'avait vu son fiancé si peu maître de lui. Tout autre qu'elle en eût peut-être été froissée, mais elle sympathisait trop vivement avec Morton pour jamais lui en vouloir. Appuyant sa jolie tête sur l'épaule de son fiancé, elle lui dit « Quelques instants encore et mon père va revenir, mon cher Morton. Fiez-vous à lui. » Il saura distinguer le vrai du faux et traiter cet homme comme il le mérite.